Cherche tes vers de sa petite patte, il gratouille la terre. Mon petit poussin tout jaune tient dans le creux de ma paume. S'il a faim, il cherche tes vers de sa petite patte, il gratouille la terre. Il remue ses ailes en chantant cui-cui. Mais il a très peur du grand épervier. Il remue ses ailes en chantant cui-cui. Mon